est arrivé, il y avait quelques mois que seulement que l'usine a quitté les lieux. Et puis, je ne sais pas de quand datent ces bâtiments, mais probablement que 8 ans ou 100 ans, je ne sais pas exactement. Il y avait, moi, je me rappelle être venu visiter la fabrique de Tête de Nègre avec l'école. Et on avait droit à goûter à toutes les étapes de la fabrication. On goûtait le machin, on est ressorti chacun avec 6 têtes de nègre. Et on ressortait malade. Et puis, cette graisse, il y avait des entrepôts là. Où se trouve maintenant Pont-12, c'était des entrepôts de sacs de cacao qui arrivaient de fèves, de cacao qui arrivaient directement. Il y avait encore sur les poutres des inscriptions Accra. Je ne sais plus, mais à la Creil, c'était des sacs qui venaient de différentes provenances et puis qui étaient broyés et tout ça. Et le gras de la poussière, je pense invisible, mais c'était posé avec les années sur les poutres et cette odeur restait des mois, des années. Aussi 25 ans qu'on est là maintenant, donc ça fait 40, plus de 45 ans, je pense, qu'on est à l'avenue de la gare, et puis qu'on se retrouve dans ce labyrinthe de communes. C'est presque difficile, enfin, maintenant, c'est plus facile depuis qu'il y a la Bourdonnette, le rond-point ici, l'avenue de la gare, pour expliquer à des Lausannois où on est. Parfois, ils se perdent, les Lausannois, dans ce quartier. L'action voiture qu'on a menée, c'est un exemple aujourd'hui encore. Au départ, c'était une exposition nationale qui avait lieu au Palais de Rumine et qui s'appelait Art et Société. C'est le moment où ils se mettaient à construire le parking souterrain de la Riponne. Notre idée, c'était de transformer le musée des Beaux-Arts en parking. Alors, et puis de faire dans le parking qui était en train de se construire un musée de Beaux-Arts. Avec une voiture, on est parti, on a mis des roulettes, puis on est parti de Prébranche et on a rejoint Lausanne. Et puis avec les autres, on les a chargés sur des camionnettes et placés la veille du vernissage de cette exposition au Palais de Rumine. On les a placés dans les parkings souterrains, on a payé ce qu'il fallait pour la nuit. Et puis le lendemain, avec une, on a passé là. Puis il y a ce flic-là qui était en train de me demander d'aller sur le trottoir. Et puis moi, je disais, mais pas du tout, c'est mon permis. Alors ça, c'est dans les parkings. D'après, on est entré dans le musée.